An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Oui, les travaux se poursuivent, ils continuent au château de Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts pour accueillir la Cité internationale de la langue française, un nom qui évoque tout de suite pour tous ceux qui ont joué à tous ces jeux de société en quelle année a été signée l'ordonnance de Villers-Cotterêts, un stimuli 1539. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539. Nous connaissons le lieu, la date. Mais d'ailleurs, où est Villers-Cotterêts? Au nord-est de Paris. Mais tiens, lisons une œuvre majeure de la littérature française. Le guide Joanne. Oui, ce guide des environs de Paris. L'édition de 1878. Villers-Cotterêts. Le château a été défiguré par la grande restauration et les embellissements de 1750. À l'intérieur, qu'on ne peut pas visiter, nous signalerons surtout un magnifique escalier et la chapelle. Après avoir retenti des joyeusetés de Rabelais et des accents de Marot, après avoir été le théâtre des fêtes de François Ier, ce château est occupé par un dépôt de mendicité du département de la Seine. Triste destin de ce château associé à cette ordonnance qui concerne notre langue. En 1539, à Villers-Cotterêts, avons-nous donné notre langue au roi ? Bernard Cerchilini, bonjour. Bonjour. Nous parlons de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, moment majeur de notre histoire. Nous parlons du français. Bernard Cerchilini, je voudrais que nous commencions cette série d'émissions que nous consacrons au français par un rappel. Le français, tel que nous l'entendons, n'était pas la langue parlée par la majorité des Français pendant très très longtemps. Il y avait d'autres langues sur le territoire. La France est plurilingue dès le départ. Le latin en Gaule s'est développé de deux façons. Au sud, il est resté une langue romane, l'occitan. Au nord, nord de la Gaule, nord de la France et sud de la Belgique actuellement, très influencé par les langues germaniques, il est devenu le français. Donc notre pays est bilingue. Ensuite, d'autres langues se sont développées. Le pays est plurilingue. Il a une langue de la République commune, mais il ne faut pas oublier que dès le départ, le français dialogue. Si nous parlons tout à l'heure des serments de Strasbourg, il faudra noter tout de suite, ce qu'on oublie de le faire, qu'ils sont bilingues. Oui, ça c'est important d'ailleurs. Alors, faut s'arrêter sur les serments de Strasbourg. Bernard Cerchilini, vous êtes professeur émérite de linguistique française à l'Université de Paris. Et puis, au-delà de tous vos travaux sur la langue française, nous n'aurions pas assez d'une émission pour tous les citer, mais ce serait un plaisir. Non, je voudrais citer quand même l'invention de Nittard, que vous avez publié, c'était en 2018, donc c'est assez récemment. C'est quoi Nittard ? Eh bien, 25 ans auparavant, j'avais écrit un livre sur les serments de Strasbourg qui n'ont pas été gardés comme documents diplomatiques, mais seulement cités dans une chronique écrite en latin par un certain Nittard qui m'avait intéressé à l'époque. Et puis, entre-temps, on a retrouvé les restes de Nittard. J'ai eu quasiment dans les mains le crâne d'où est sortie la langue française. D'où mon intérêt, ma sympathie, mon empathie pour cet homme. J'ai repris la chronique. Et j'ai trouvé pourquoi Nittard avait cité les serments de Strasbourg. C'est non seulement le premier auteur, c'est l'homme qui a inventé la langue française et la francophonie. D'où ce livre d'admiration éperdue pour quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose et qui est mort vers 845. Voilà, parce qu'il faut rappeler une chronologie. Bernard Cerchilini, est-il possible de donner une date de naissance de la langue française ? Pendant longtemps, on s'est demandé depuis quand on parlait français. Je pense que le français existe depuis qu'on l'écrit. C'est-à-dire depuis qu'on a compris qu'il était distinct du latin et digne d'être écrit. C'est le génie de Nittard qui, dans sa chronique, reprend, il est seul, ses textes prononcés à Strasbourg en 842. Il met, pendant un bref instant, le français sur le pied du latin. Tout est dit, tout est gagné. Ça y est, nous avons une date de naissance, nous avons une langue, et vous l'avez très bien dit, une langue qui évolue, qui côtoie énormément d'autres langues. Pour cela, il n'y a aucun souci. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le cours de l'histoire aujourd'hui, c'est cette ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Vous, avec ce long regard hein, sur l'histoire de la langue française, quelle place donnez-vous à cette ordonnance ? Une place légendaire importante. C'est-à-dire que pour tout le monde, on a là un texte qui impose le français comme langue royale, comme langue générale. En fait, vous le savez bien, Xavier Mauduit, hein, une loi, généralement, valide un état de fait et donne un léger coup de pouce. C'est plutôt ce qui s'est passé. Guillaume Poyet a préparé l'ordonnance pour le roi, qui prenait acte de la généralisation déjà du français dans les actes administratifs, même au sud, même en terre d'oc, mais ajouté une obligation. L'obligation, c'est d'utiliser. Alors, c'est vrai que ce mot est complexe, hein, cette langue maternelle française. En fait, dans l'idée même d'essayer de saisir en quoi cette ordonnance est importante, nous devons nous rappeler du contexte. Nous nous trouvons en 1539. Eh bien, courons vivre un peu à la cour de François Ier. François Ier, roi de France, 1494-1547. Cette armure farouche est la sienne. L'homme de guerre, heureux à Marignan, malheureux à Pavie. On l'appelle roi chevalier car il fut l'un et l'autre, élevé par le corps et l'esprit dans les traditions courtoises du Moyen Âge. Épée solide, cœur romanesque. Voici les étriers du chasseur et du guerrier, du premier homme d'armes de son royaume, comme en témoigne un contemporain. Il courait hardiment la bête sauvage et chevauchait devant son armée, craint des hommes, aimé des femmes. Hardi, mais inconstant. Courageux, mais léger. Ah, courageux mais léger, François Ier, présenté dans l'émission L'Art de Vivre en 1962, Bernard Cerchilini. Nous nous trouvons en 1539 dans ce moment magique de notre histoire qu'est la Renaissance, avec une vraie réflexion sur la langue dans sa construction, sur la langue dans sa place. Et c'est vrai que nous citons souvent les poètes et puis le roi François Ier pour dire à la Renaissance, il y a un renouveau de la langue. Ce renouveau-là, est-il réel ou fantasmé ? Non. La réflexion sur la langue accompagne un réel progrès. Nous avons de très grands poètes, du Bellay, Ronsard sans doute le plus grand poète européen, les premières grammaires qui apparaissent, 1542, le texte de Maigret, polémique sur l'orthographe, puis sa grammaire. Et puis, il ne faut pas oublier, il se trouve que je publie cette semaine une histoire de l'accord du participe passé, il ne faut pas oublier que c'est Clément Marot qui a rédigé la règle de l'accord du participe passé, notamment avec « avoir anticipé » dans un poème. Et dans mon livre, je fais l'hypothèse, je crois argumentée, que cela provient d'une discussion à la cour du roi. Marot était très proche de François Ier, il était son poète officiel, son grammairien officiel. Provient d'une discussion et je crois que François Ier a demandé à Marot de mettre un peu d'ordre dans cette syntaxe. Le roi aurait donc à la fois, et c'est en 1537 là, le texte de Clément, aurait à la fois réglé la syntaxe et réglé la langue administrative. C'était vraiment un grand roi. C'était un grand roi et un roi important effectivement pour notre langue. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Charles Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en histoire du droit à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Votre thèse s'intitule « L'ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539, et sa réception jusqu'aux codifications napoléoniennes ». Charles Beau, je vous laisse citer vos directeurs de thèse. Alors, ce sont les professeurs Franck Roumy et Patrick Arabert. Il faut toujours citer ces directeurs de thèse, c'est très important. Justement, pour bien saisir l'importance de cette ordonnance de Villers-Cotterêts, il faut mettre en place le contexte. Pourquoi en 1539, François Ier réfléchit à la langue ? Alors, l'ordonnance de 1539 est prise en 1539, pendant l'été 1539. Il faut d'emblée indiquer que la date précise de promulgation du texte est inconnue. Elle est prise au mois d'août 1539, mais on ne connaît pas le jour exact. Certains disent le 10, le 15 août, d'autres le 25 août. En fait, pour ce type de texte, l'usage veut qu'on indique jamais le jour, mais seulement le mois et l'année de promulgation. On peut supposer qu'elle a été promulguée avant le 15 août, C'est en effet entre le 15 août et le 10 septembre que le roi tombe très gravement malade. On a d'ailleurs craint pour sa vie. En tout cas, l'ordonnance est prise à la fin du mois de juillet 1539, soit 2 ans après le retour de captivité de François Ier, qui avait été captif à Madrid. Il veut restaurer sa grandeur, restaurer son pouvoir. On sait toutefois qu'elle était déjà dans les tuyaux depuis assez longtemps, hein, dès les années 1530. François Ier confiait à son entourage sa volonté de faire une grande ordonnance sur la justice. Et pourquoi alors particulièrement l'année 1539? Eh bien pour une raison toute simple, c'est que c'est une période de paix entre la France et le Saint-Empire. François Ier a les mains libres pour légiférer, pour faire une grande loi. En effet, je rappelle juste que lors de leur rencontre à Nice le 2 juin 1538, François Ier et Charles Quint, qui étaient en rivalité depuis 1519, en raison de l'élection de Charles Quint à la dignité impériale, eh bien avaient décrété une trêve exceptionnelle de 10 ans, trêve qui ne sera bien sûr pas durable, trêve qui avait en tout cas été voulue et orchestrée par le pape Paul III, et c'est donc cette amitié perpétuelle qui est couronnée par la rencontre en 1540 entre Charles Quint et François Ier, qui permet à François Ier, eh bien, de prendre le temps de promulguer une grande loi, de réformer de l'intérieur son royaume. Bernard Cerchellini, oui, il faut de la paix pour réfléchir à la langue du pays. C'est très intéressant, hein, de remettre en place le contexte pour mesurer la portée d'une telle décision. Mais il faut se garder de nos représentations. Ça, c'est très dangereux. C'est vrai que ce texte, cette ordonnance de 1539, en fait, ne concerne pas la langue française. C'est un texte beaucoup plus large qui concerne énormément de choses sur la justice, sur l'organisation du royaume. Et la langue française, c'est un petit article. Charles Beau vient de le rappeler, c'est une très belle ordonnance royale qui établit une administration royale, une justice, l'OTAN en particulier, aux mains de l'Église. Donc, il y a 192 articles, dont 2, 110 et 111, qui portent sur la langue. Deux expressions sont importantes dans les deux articles. La première, c'est le mot « intelligence ». Guillaume Pouyer, le rédacteur, fait partie de ceux qui considèrent que un jugement n'est pas valable si celui qui est condamné ne comprend pas. D'où l'intelligence. C'est le fil rouge de la politique linguistique française jusqu'à nos jours, jusqu'à la loi Toubon. Deuxième expression importante, c'est tous les actes administratifs ne seront plus dans ce latinum grossum qu'utilisaient les notaires royaux ou provinciaux, mais en langage maternel françois et non autrement. Depuis, nous ne cessons de nous battre sur cette expression. Qu'est-ce que le langage maternel françois? Au XIXe siècle, Ferdinand Bruno, le grand historien de la langue, républicain, jacobin, voyait l'imposition du français. Depuis une vingtaine d'années, les défenseurs légitimes des langues régionales disent un langage maternel français, ça peut être le français, l'occitan, etc. On en est là. Si vous me demandez ma position, elle est simple. Sans revenir à Bruno, et malgré toute l'estime que j'ai pour la diversité linguistique, je constate d'une part qu'à l'époque, de fait, la plupart des textes étaient déjà en français. D'autre part, que dans des précédentes ordonnances que Charles Beau connaît bien, on disait en langage maternel ou en français. François Ier, dans une ordonnance de 1535, demande que des textes soient faits en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays. Et puis en 1539, ça c'est le coup de génie de Guillaume Pouyer, on dit en langage maternel françois. C'est le coup de pouce. Et, excusez-moi une seconde, on ne commente jamais les 3 mots qui suivent, qui sont fondamentaux, c'est « et non autrement ». Non autrement. Et non autrement, c'est ça qui change tout. Mais justement, Charles Beau, sur cette expression, sur ce langage naturel, parce qu'il y a un vrai problème, c'est de se dire, est-ce l'imposition du français au sens la langue que nous utilisons aujourd'hui, ou est-ce la volonté d'écarter le latin et de dire, non, les gens doivent comprendre lorsqu'ils sont à un procès et il faut utiliser une langue maternelle utilisée dans le royaume de France, que ce soit l'occitan, le breton, l'alsacien, on pourrait en donner plein d'autres. Quel est votre avis sur ce point? Alors, je pense très sincèrement que l'article 111 ne visait pas à proprement parler à imposer l'usage du français dans la rédaction des actes. Pour imposer une langue, le droit est tout à fait impuissant. Il faut le temps, la patience, la pression sage et soutenue de tous les jours. Je pense plutôt que François Ier offrait une alternative aux justiciables, et notamment aux cours de justice. Il offrait une alternative en jouant notamment sur l'ambiguïté de langage maternel français, peut-être pour contenter tout le monde et éviter notamment de se voir adresser des remontrances lors de l'enregistrement du texte. Je pense que l'article 111 autorise tout à la fois l'usage du français et des idiomes locaux. Après tout, la législation antérieure de Louis XII, rappelée par Bernard Cerchidini, la grande ordonnance de 1510, allait dans ce sens. Et dans un édit encore de 1533, François Ier lui-même demande aux notaires du Languedoc de rédiger tous leurs actes dans la langue du pays. Donc si François Ier a voulu exclure une langue, il s'agit du latin, mais certainement pas des langues régionales. Et d'ailleurs, on sait qu'à l'époque, les régnicoles étaient très fiers de leur diversité linguistique. Et dernier élément, pour conforter cette assertion, j'ajouterais que l'article 111 ne se comprend qu'au travers, au regard de l'article 110, article 110 qui impose la clarté et l'intelligibilité des actes de justice. Autrement dit, les langues régionales ont toute leur place devant les cours de justice. C'est important, un breton, normand, tous ces parlers du sud-ouest, le limousin, ces langages provençaux, le bourguignon, le lorrain, le picard, le gascon. Le normand, Xavier. Et le normand, c'est ben vrai ça. Et non mais c'est vrai que c'est très important de souligner cette complexité parce que nous sentons bien qu'avec cette ordonnance de 1539, nous sommes tributaires d'une relecture tardive de l'ordonnance qui a réduit cette expression au français telle que nous l'entendons aujourd'hui. Bernard Cerchidini, la volonté était que l'on cessa de parler latin, c'est bien ça ? Enfin, en tout cas, dans les actes de justice. Charles Beau l'a bien dit, l'adversaire c'est le latin. Nous sommes tous d'accord, l'ordonnance de Villers-Cotterêts exclut le latin. Et c'est terminé, je dirais qu'à partir de cette date, il est en perte de vitesse. Voilà, au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Non, mais c'est dit, et ça c'est très important. Et nous sentons bien qu'ici nous avons un choix politique. Un choix politique. Alors, nous pouvons débattre sur cette formule ambiguë. Je parlais de légende tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est que cette ordonnance a été lue tout de suite de façon contradictoire. Et il y a eu une lecture en faveur du français. Une anecdote, si j'ai le temps. Dans la grammaire de Ramu, de 1572, Pierre de la Ramée, Ramu raconte une anecdote à propos de cette ordonnance. Il dit, des députés, au sens ancien de Provence, sont venus protester. On demandait audience à François Ier parce qu'il voulait continuer à écrire en provençal. Et, dit Ramu, François Ier les a fait attendre. Il les a fait attendre. Ils sont installés à Paris un mois, deux mois, trois mois. Et au bout de trois mois, il les a reçus. Et pendant ces trois mois, ces braves gens avaient appris le français. Et ils s'en parlaient en français à François Ier, qui était hilar. Voilà, donc non, mais nous avons, par l'anecdote, toujours un biais très intéressant pour étudier ces moments du patrimoine, comme l'ordonnance de 1539. Une ordonnance de 1539 que nous découvrons maintenant à l'école. C'est le jour de la rentrée des classes. Et partout en France, les enfants ont repris leur étude du français. Ils recommencent à souffrir sur les conjugaisons. Ils recommencent à s'intéresser à la construction de la phrase. Ils recommencent à avoir des soucis de vocabulaire. Ils ne savent pas que dans une certaine mesure, ces soucis, ma foi, ils les doivent un petit peu à François Ier. Oui, c'est une façon de présenter les choses, mais à Villers-Cotterêts, on se souvient très bien de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et les enfants des écoles sont très tôt au courant de ces textes anciens. D'ailleurs, un jeune garçon de l'école va pouvoir nous les lire, ces parchemins d'autrefois. François Ier, le 10 août 1539, signa le célèbre édit qui, parmi les juristes consultes, a conservé le nom d'ordonnance de Villers-Cotterêts, préparé par le chancelier Dubourg et définitivement rédigé par Guillaume Poyet, successeur de Dubourg. Cet édit contient 192 articles, parmi lesquels ressortent ceux prescrivant de rédiger tous les actes publics en français et non en un latin aussi grossier que ridicule. Voilà, comme ça au moins c'est dit, et puis la vérité sort toujours de la bouche des enfants, donc nous allons croire ce jeune garçon en septembre 1952 qui évoque l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Charles Beau, il y a toujours un écart entre notre perception d'une loi, comment elle est reçue, et puis la réalité. Vous travaillez sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts et sa réception. Dites-nous, l'effet a-t-il été immédiat, évident ? Y a-t-il pour cette loi une efficacité ? Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait qu'au XVIe siècle, ça a été le texte de loi l'un des textes de loi les plus médiatisés et les plus imprimés, les plus diffusés tout au long de la période. Est-ce que cela a eu un effet ? Oui, plutôt. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut considérer que sur bien des points, l'ordonnance entérinait déjà des pratiques déjà existantes. Je pense par exemple au Parlement de Bordeaux, dont les registres étaient déjà rédigés en français pour une très grande partie, ou encore bien sûr au Parlement de Paris, où du jour au lendemain, eh bien, on observe que les registres sont rédigés la veille en latin, le lendemain en français. Voilà, donc il y a réellement pour cette loi une vraie médiatisation. Je reprends ce mot qui est anachronique mais qui reflète une réalité. C'est une loi qui est extrêmement diffusée. Bernard Cerchellini, est-elle oubliée ? Mais pas du tout. C'est même le texte juridique en vigueur le plus ancien. Et il y a quelques années, en tant que haut fonctionnaire m'occupant de la langue, j'ai préparé un décret sur la langue. Et je me suis amusé à mettre parmi les textes visés au début du décret l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Eh bien, aucun juriste du Conseil d'État ou autre n'a tiqué et le décret est sorti visant une ordonnance de 1539. C'est tout de même important pour notre pays. Notre plus vieux texte juridique concerne, pour nous, la langue. Et la langue française de l'administration, une langue de la clarté et de l'intelligence des faits. Alors, fort étonnant ce que vous nous dites là, Bernard Cerchellini, car depuis 1539, il s'en est passé des choses. Charles Beau, mais dites donc, en étudiant la réception de cette ordonnance de Villers-Cotterêts jusqu'aux codifications napoléoniennes, nous croisons la Révolution. Tout de même, la Révolution n'a pas voulu mettre de côté cette ordonnance royale. Si, tout à fait, la période révolutionnaire, mais pas seulement, hein, le Premier Empire correspond bien sûr à une rupture formelle dans l'histoire, mais bien sûr dans l'histoire du droit français. L'ancien droit est privé de toute normativité. Il est relégué au champ de ce que Portalis qualifie de champ de législation expérimentale. Bref, l'ancien droit est censé ne plus avoir cours. Et pourtant, l'ordonnance de Villers-Cotterêts survit à l'article 7 de la loi du 21 mars 1804, loi qui, je le rappelle, abroge l'ancien droit et promulgue le code civil. Je cite, « À compter du jour où les lois composant le code sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes cessent d'avoir force de loi générale ou particulière. » Et pour autant, ce texte a survécu à cette loi du 21 mars 1804, puisqu'il n'y avait pas d'autre base légale. Alors certes, les révolutionnaires avaient pris de grands décrets, hein, en ne se référant pas bien sûr à l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Je pense bien sûr au décret du 20 juillet 1794, par lequel Robespierre impose par un nouveau texte que tous les actes soient rédigés en français. Mais ces textes étaient à la fois excessifs et, dans certains cas, ont été abrogés, de sorte que au XIXe siècle, donc bien après le Premier Empire, lorsque on a éprouvé le besoin d'imposer la rédaction des actes en français dans les actes officiels, on a dû recourir à l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et le premier arrêt en date est celui rendu par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation le 4 août 1859. C'est un arrêt Giordi contre Masaspino. La Cour déduit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts la nullité absolue d'un acte public qui n'est pas rédigé en français. Je cite l'arrêt. « Depuis l'ordonnance du roi François Ier prise au mois d'août 1539, il a toujours été de règle en France que les actes publics ne peuvent être rédigés qu'en français. » Donc le juge judiciaire a pris parti, il va confirmer cela tout au long de la jurisprudence du 19e et du 20e siècle, et ce sera bien sûr repris au 20e siècle par le juge administratif dans le très célèbre arrêt Quillebert du 22 novembre 1985. Charles Beau, vous êtes doctorant en histoire du droit et ça s'entend, mais c'est très beau. J'aime bien, il y a une poésie de la lecture de ces textes de loi et surtout une construction intellectuelle évidente. Hein, Bernard Cerchellini, nous le voyons bien, ces textes de loi de 1539 ne peut pas être périmé au sens où aucun autre texte vient le remplacer. Exactement. Et Charles Beau l'a montré en montrant la poésie et la rigueur de la langue juridique. C'est très important. On pourrait dire qu'en France, l'État s'est fondé sur la langue, dans une perspective de plurilinguisme. Et c'est le fil rouge, avec des périodes où l'État respecte le plurilinguisme, c'est au fond l'Ancien Régime, ou le début de la Révolution. En 1790, la Révolution reconnaît le plurilinguisme et traduit la Déclaration des droits de l'homme dans toutes les langues possibles. Et puis, dès les époques, au contraire, de lutte contre le plurilinguisme. C'est la deuxième période de la Révolution et la République au XIXe siècle. Mais le fil rouge, c'est la langue. L'État central, unique, il a pour seul symbole et représentant une langue qu'il va imposer ou conforter. Et ça explique la vitalité et la validité et la vigueur de notre ordonnance. Voilà, avec ce glissement, c'est très intéressant de vous entendre nous expliquer qu'en 1539, oui, l'ennemi est le latin, et puis que tout doucement, bien, cette ordonnance est utile, légèrement transformée pour imposer une langue nationale qui force notre identité, quelque chose de très beau. Mais dire que le latin est l'ennemi en 1539, mais que c'est dommage, parce que le latin, langue magnifique, on va pas aujourd'hui combattre le latin. Bernard Sacchini. Non, mon mot était peut-être trop fort. Il était, disons, l'adversaire. Quand on installe une administration royale, on exclut une langue. Le latin est exclu. Mais il reste une grande langue de science, de savoir, pour encore des siècles. Madame Françoise Boisquet l'a montré dans un très beau livre. Il y a quelques années, je me promenais dans les rayons de la bibliothèque de la Sorbonne et je suis tombé sur la thèse de Jean Jaurès, consacrée au philosophe matérialiste de l'Antiquité. Jaurès était par ailleurs, vous le savez, normalien et agrégé de philosophie. Cette thèse est en latin. Et voilà, thèse en latin, parce que Jean Jaurès connaissait bien ses déclinaisons. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveille l'œil sévère, les Jules et les Prosper qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serai pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des mains, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Jacques Brel, qui maîtrise parfaitement la première déclinaison dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Sofiane Aktib, qui maîtrise l'un et l'autre, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième déclinaisons. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Avons-nous donné notre langue au roi? Eh bien justement, direction cette jolie petite ville de Villers-Cotterêts. Située au sud-ouest du département de l'Aisne, la petite cité de Villers-Cotterêts est le rendez-vous dominical de nombreux touristes venus de toute la région parisienne. À l'origine, Villers-Cotterêts n'était qu'un groupement de petites huttes au milieu de l'immense forêt gauloise. Vestige du Moyen-Âge, de ravissantes petites rues dans lesquelles il fait bon flâner. C'est François Ier qui fit construire le château vers 1530, Le roi y séjourna souvent et y rendit de nombreux édits, notamment la célèbre ordonnance qui réforma la procédure et prescrivit la tenue des registres paroissiaux. C'est dans cette cité qu'Alexandre Dumas vit le jour. Le célèbre romancier y passa toute son enfance. Le passé cohabite fort bien avec l'avenir. La vieille cité est soucieuse de poursuivre son expansion démographique par la construction de logements. Des écoles, un stade, le plus important de la région. Il peut absorber les milliers de moins de 20 ans qui vivent dans les environs. Ces réalisations concourent à inciter les Cotreziers à aimer leur cité et à y demeurer. Et voilà, c'est Villers-Cotterêts présenté à la télévision française en 1969. Et en plus de toutes ces écoles et du stade, désormais, à Villers-Cotterêts, il y a la Cité internationale de la langue française. Bonjour Paul de Cinetti. Bonjour. Vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France. Expliquez-nous ce qu'est cette Cité internationale. Alors, ce projet est né... dans le fond, de différentes rencontres, évidemment celle du président de la République qui connaît bien ce territoire et qui visita quelques temps avant son élection le lieu, Villers-Cotterêts, et vit le bâtiment dans un état délabré et catastrophique, et compris qu'il y avait un enjeu certainement à travers la restauration de ce bâtiment d'y installer un lieu dédié à la langue française bien sûr en référence à la fameuse ordonnance dont l'excellent Bernard Cerchini et votre autre invité ont parlé, mais un lieu aussi dédié à la langue française d'aujourd'hui, c'est-à-dire une langue ouverte sur le monde, qui vit en dialogue dans les espaces de la francophonie et également en dialogue avec toutes les autres langues du monde. Donc, il ne s'agit pas d'avoir dans cette cité internationale de la langue française un espace doté d'une certaine forme de conservatisme. Bien au contraire, c'est au contraire un espace ouvert à la pluralité linguistique et qui accueillera l'ensemble des créateurs, des artistes, des intellectuels qui voudront y séjourner pour des travaux de recherche, de résidence, dès que ces portes pourront être ouvertes, c'est-à-dire, espérons-le, à partir de la fin 2022. C'est le Centre des Monuments Nationaux qui est vraiment en première ligne pour la réalisation de cette cité internationale, d'abord par la restauration très importante des bâtiments qui est entreprise, et on se rend compte que au fur et à mesure, on découvre des choses tout à fait extraordinaires, en plus de ce qu'il y a déjà comme merveille à admirer à travers cette très belle chapelle royale qui avait été construite sous François Ier, qui est vraiment le premier manifeste de la Renaissance architecturale française, des escaliers aussi somptueux à caisson de la Renaissance, de la première Renaissance. Ça sera un lieu, évidemment, où on pourra admirer cette restauration, mais ça sera aussi un lieu de vie, de partage, autour de la francophonie et de la langue française. Et le Centre des Monuments Nationaux pilote avec beaucoup de talent ce projet. Effectivement, c'est un immense chantier avec du travail d'archéologue. Il faut revisiter l'ensemble de ce château qui a souffert à travers les âges, qui devient aujourd'hui cette cité internationale. Bernard Cerchini, vous dites qu'il est possible de lire l'histoire du français comme celle de l'histoire d'une religion, d'État, avec une forme d'église. On dirait le Vatican, c'est l'Académie française. Il y a des prélats et des servants. Ben oui, l'ensemble des professeurs qui, dans toutes les écoles, et c'est ce que nous faisons tous, même ici sur France Culture, ben magnifions cette langue que nous aimons beaucoup et qui est notre outil de travail. Il y a la Bible, le dictionnaire. Alors, dans ce cas-là, la cité internationale à Villers-Cotterêts, c'est quoi? C'est un lieu de pèlerinage? C'est Lourdes? Oh non, certainement pas. Vous avez raison. Il y a en France une religion d'État depuis toujours qui est la langue, avec ses desservants, avec son livre, le dictionnaire. Nous avons voulu en donner une image moderne, c'est-à-dire montrer que cette langue, elle est maintenant mondiale. Elle s'est implantée partout, elle a poussé, donné de beaux fruits, et nous avons le parcours de permanent sur la langue va montrer cette diversité, cette inventivité, ce rayonnement mondial. Nous allons faire entendre des accents, nous allons faire entendre des mots, nous allons montrer des dictionnaires différents, nous allons donner des jeux. Il faut montrer que c'est notre langue, à nous, les francophones, d'où cité de la langue et de la francophonie. Les maîtres mots sont l'un et l'autre. la diversité, la richesse. C'est un musée, ça sera un musée moderne, essentiellement numérique, consacré à une langue mondiale. Une langue mondiale, Paul de Cinetti, il y a une vraie réflexion sur la politique pour soutenir la langue française, étant donné que toujours dans cette réflexion sur qu'est-ce qu'une puissance, nous avons ici, je ne veux pas utiliser le mot arme, mais disons un outil absolument sublime, celui de la langue. Oui, en effet, et c'est pour cette raison que ce chantier est particulièrement important. Il constitue, on pourrait dire, une pierre d'angle pour renouveler notre politique de la langue. Et c'est ô combien important. Alors, vous parlez de l'influence et du rayonnement et de sa mesure de notre langue à l'international. Et on le voit à travers les 300 millions de locuteurs aujourd'hui francophones. Mais c'est aussi très important pour la cohésion de notre pays, de notre société. Vous savez, dans une récente enquête, on a découvert que le premier sentiment d'appartenance pour nos concitoyens n'était pas celui d'appartenir à une démocratie ou à un État républicain, mais était ce sentiment d'appartenance à la langue française. Et c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est pas pour rien qu'il y a eu évidemment toutes ces mesures depuis Villers-Cotterêts jusqu'en 1992 avec l'inscription dans la Constitution de la Ve République à l'article 2 que la langue de la République est le français, et puis bien sûr en 1994 la loi Toubon. Ça ne se fait pas pour rien tout cela. C'est bien pour veiller à ce que notre langue puisse être employée en toute situation, en toute circonstance, et surtout que nos concitoyens aient toujours un accès égal à notre langue. C'est une question d'égalité. Charles Beau, justement, nous venons d'entendre dans la voix de Paul de Cinetti l'évocation de cette réforme de la Constitution en 1992. Quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est en 1992 que le français prend une place particulière dans notre Constitution. Expliquez-nous. Alors, c'est le contexte de la fin du XXe siècle, qui est un contexte de crainte de décomposition du français. Il y a tout d'abord la crainte face à l'hégémonie de l'anglais. Il y a aussi tous les débats relatifs aux langues régionales et minoritaires, débats qui se posent avec une certaine acuité. Je rappelle que la Charte européenne sur les langues régionales et minoritaires a été signée le 5 novembre 92. Elle a fait débat dans l'opinion. Elle est signée le 7 mai 99, mais jamais ratifiée. Donc, il y a ce double contexte qui a conduit tout d'abord, dès les années 60, à la création de diverses instances, telles que le Haut Comité de la langue française, des commissions de terminologie chargées de combler les vides lexicaux. Et vis-à-vis de ce double contexte, on procède également à la révision constitutionnelle le 25 juin 1992. On procède à la révision de l'article 2 de la Constitution, qui dispose aujourd'hui que la langue de la République est le français. Alors, je rappelle que la formule initiale était « le français est la langue de la République », ce qui était une bonne formulation qui exprimait l'unité de la langue, l'unité des Français, mais c'était une formulation ambiguë qui laissait de côté la francophonie, le fait qu'on parle français, cela a été rappelé, dans d'autres régimes, la Suisse, la Wallonie, le Québec. Donc on a privilégié une formule qui sonne davantage comme un constat administratif, hein, la langue de la République est le français, mais une formule qui est beaucoup plus précise. Et s'agissant des langues régionales et minoritaires, il faut attendre la révision de 2008 pour les voir érigées au rang d'éléments du patrimoine de la France, à l'article 75-1 de la Constitution. En tout cas, il n'en reste pas moins que cette révision de 1992 a été une petite révolution. Jusqu'ici, les textes constitutionnels ne décrétaient que la devise, que les couleurs du drapeau, que le choix de l'hymne national. On n'était jamais allé jusqu'à décréter la langue, puisqu'une langue, par définition, ne se décrète pas. Ses caractères, son autorité proviennent des faits et de l'usage. Et enfin, je tiens à insister sur le fait qu'on a procédé par parallélisme des formes, c'est-à-dire qu'à une menace qui s'immisçait par des voies juridiques, on a voulu faire barrage par des voies juridiques. Et parce que les menaces semblaient supposer une modification de la Constitution, eh bien on a estimé que la contrepartie serait la consécration du français dans la Constitution. Et je conclus sur le fait que peut-être aujourd'hui, c'est l'un des problèmes, toute atteinte, toute menace à la langue française serait censée avoir sa riposte dans le droit et par le droit. On utilise le droit pour défendre le français sans toujours bien s'interroger sur l'efficacité même du droit dans cette lutte. Et il y a une belle remarque qui est faite là par Charles Beau. Bernard Cerchilini, justement, ok, le français, en 1992, entre dans la Constitution, la langue de la République est le français. Mais quelle est la portée d'une telle décision? Elle est très importante. Je m'en souviens bien. À l'époque, nous craignions beaucoup une décision de la Commission européenne donnant à l'anglais le statut de langue officielle. Et nous avons constaté que notre dispositif juridique, Villers-Cotterêts et la suite, ne suffisait pas. Donc il a fallu retoucher la Constitution et faire rentrer la langue au nombre des symboles de la République. Article 2, le drapeau, la devise, le slogan et la langue. Alors, ce qui est amusant, Charles Beau le disait, c'est que l'Assemblée nationale a voté d'abord le français et la langue de la République. Le soir même, le délégué général du Québec a appelé le Premier ministre pour lui dire « Ah, je reconnais bien les Français, ils ont mis la main sur la langue française ». Donc heureusement, nous jouissons du bicamérisme en France et le Sénat, dans sa sagesse, a renversé la formule « La République a pour langue le français qui appartient par ailleurs à tout le monde ». Comme quoi, la syntaxe n'est jamais neutre. Oui, c'est très important de le souligner. Et justement, nous évoquons cette constitution. La constitution, c'est celle de 1958, hein, celle du général de Gaulle. Ah, le général de Gaulle, mais quel nom d'ailleurs, de Gaulle, les Gaulois. Attention, discours du général de Gaulle en 1969. Nisi vaspiret, vela labus adenaskel, nisi da gaut hev reder abel. En 1969, à Quimper, le général de Gaulle s'exprime en breton. Alors, je peux vous traduire ce qu'il a dit, hein. « Mon corps est retenu, mais mon esprit vole vers vous, comme l'oiseau attire d'elle. » Vol vers ses frères qui sont au loin. Eh bien, c'est un extrait d'un poème de Charles de Gaulle, pas lui, d'un homonyme, son oncle, grand défenseur de la langue française. Dites-nous, Paul de Cinetti, justement, le général de Gaulle, grand défenseur de la langue française et auteur majeur, pouvait jouer avec les différentes langues. Mettre en place une cité internationale de la langue française n'est pas exclure les autres langues qui sont parlées en France. Et c'est bien tout le contraire. Vous avez raison de le préciser, on sait que le général parlait parfaitement l'allemand et que c'est ce que d'ailleurs a facilité grandement le rapprochement avec le chancelier Adenauer et le dialogue franco-allemand, on le sait bien. Évidemment, le projet de la cité n'exclut pas la promotion de la pluralité linguistique, tout autant de notre pays, hein, puisque rappelons-le, 75 langues de France sont aujourd'hui très clairement référencées, et en grande partie d'ailleurs d'entre elles provient des territoires ultramarins. Mais aussi, il s'agira de promouvoir le français en dialogue avec les autres langues du monde. Et c'est cette tension qui nous paraît évidemment très intéressante d'approfondir, de faire découvrir à travers le parcours permanent dédié à cette aventure du français qu'a évoqué déjà Bernard Cerchilini, mais ce sera aussi la possibilité, par le travail du Centre des Monuments Nationaux, d'organiser des séminaires, des colloques, des résidences pour chercheurs qui travailleront non pas seulement sur la langue française, mais aussi sur la diversité linguistique. Je crois que c'est évidemment essentiel. Vous savez, c'est ce que dit très bien Patrick Chamoiseau, aucune langue naît sans le concert des autres, et ce serait une illusion, et une illusion dangereuse que de considérer la langue française comme une langue faite d'une pureté immaculée. Oui. Illusion dangereuse ô combien quand on sait par le passé comment les totalitarismes se sont les uns après les autres au XXe siècle emparés de la politique linguistique. Est-ce que je peux me permettre juste d'évoquer autour de Villers-Cotterêts, l'extraordinaire territoire de Villers-Cotterêts. Parce que ce lieu de Villers-Cotterêts, ce grand château renaissance, c'est aussi un lieu de littérature. On a entendu un sujet sur Alexandre Dumas, qui est né, qui a vécu les 15 premières années de sa jeunesse, de sa vie. Mais c'est aussi, on est à deux pas de La Fontaine, on est à quelques kilomètres du lieu de naissance de Racine. Donc et un peu plus loin, c'est vrai, du lieu de naissance de Paul Claudel. Donc on voit aussi que sur ce territoire des Hauts-de-France, et dans le sud des Hauts-de-France, c'est un territoire d'écrivains. Et ça sera aussi l'objet de la Cité internationale que de faire découvrir la richesse et les réalités littéraires et artistiques de ce territoire. Bah, écoutez, c'est bien de le souligner parce qu'une langue s'inscrit dans un territoire et quand il est question d'évoquer toutes les langues parlées en France, oui, j'ai fait une faute de liaison tout à l'heure, alors je préfère le corriger parce qu'il n'y a que Chauderlot de Laclos qui peut faire des liaisons aussi dangereuses. Et en parlant de langue, je me permettrai pas, mais je l'ai entendu, donc je la corrige. Non, mais en parlant de langue, nous entendons surtout cette vivacité, Bernard Cerchilini, vivacité de la langue, rien n'est figé, tout évolue, c'est une question d'échange et c'est très beau de concevoir la langue ainsi. Oui, c'est d'autant plus qu'elle est mondiale et qu'on parle avec des accents différents, avec du vocabulaire différent dans le monde entier. C'est une richesse. Il ne faut pas être puriste. C'est appauvrir la langue et c'est ruiner ses chances dans la modernité et ce grand commerce international des langues. Il faut voir que le français est riche, bouge très, très rapidement, et c'est une bonne chose. Nous ne parlons pas exactement comme nous parlait, écrivait Proust, Hugo, et en remontant de proche à proche. Je prends des exemples de littéraires, car je crois que le français a deux caractères fondamentaux. On a parlé au cours de cette émission de son lien à l'État, au pouvoir, dans un rapport difficile avec le plurilinguisme réel. Le second caractère, c'est une langue littéraire. Le premier texte écrit en français, c'est tout de même une chronique, la chronique de Nitard, j'y reviens, c'est une langue d'écrivain. Et Paul de Cinetti, avec beaucoup de sagesse, l'a rappelé à l'instant, Villers-Cotterêts, c'est La Fontaine, Racine, Dumas, et nous allons aussi valoriser cette langue littéraire, mais au sein de la francophonie. Il y a des écrivains de langue française dans le monde entier. Oui, et c'est ça qui est très très beau d'ailleurs, c'est cet échange, et c'est, vous évoquez hein, Bernard Cerchilini, ces échanges internationaux, on pourrait même dire nationaux, avec nos langues régionales, ces échanges constants qu'il faut souligner, ces échanges en fait d'enrichissement permanent. C'est une histoire d'enrichissement en fait, l'histoire de la langue. Mais oui, le français a donné beaucoup de mots au monde entier, 40% du vocabulaire anglais, et il a beaucoup reçu, à commencer par, j'insiste, l'occitan qui est l'autre langue romane sur le territoire. Quand nous parlons d'amour, nous parlons provençal. L'ancien français disait « amour ». Florem donne fleur, amorem donne amour. L'amour, c'est occitan. Bah écoutez, je suis très content que nous terminions cette émission sur la langue en parlant d'amour, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et je termine juste avec vous, Paul de Cinetti. Ça va, les travaux, ça avance? Pas trop compliqué? Écoutez, je crois que les équipes du CMN et du ministère de la Culture travaillent d'arrache-pied, et je pense que de ce que je sais, je ne suis pas en charge directement du pilotage naturellement de ces travaux. Je crois que les travaux avancent et avancent bien, et il y a tout lieu d'être, je crois, serein par rapport à la livraison, comme on dit, de ce bâtiment en 2022, restauré pour une part. Eh bien, en tout cas, merci, parce que nous sommes impatients d'aller visiter cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Merci à vous, Paul de Cinetti. Merci beaucoup à vous, Charles Beau. Terminez bien votre thèse. Et puis, merci, Bernard Cerchilini. Je rappelle à l'invention de Nitard pour découvrir cet étrange personnage de Nitard que vous nous avez si bien présenté. Et puis, cette histoire du participe passé, parce que ça, c'est quelque chose, un livre sur le participe passé. Il y a quand même quelque chose qui fait frémir. Donc, là aussi, on est impatients de vous lire. Merci à vous. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, l'histoire c'est demain et ce sont les années folles. Parmi les comparaisons historiques qui habitent les analyses des temps qui courent, après les files d'attente du confinement comme en 40, le couvre-feu comme sous l'occupation et l'extrême droite en forme comme en 34, les pronostiqueurs du monde d'après, celui qui nous attend au coin de la rue juste après la vaccination peut-être, les pronostiqueurs pour le monde d'après nous promettent des années folles. Une ère nouvelle dans laquelle nous serions enfin conscients de ce que l'on a à perdre et à gagner, mais de nouvelles années folles comme dans les années 20, qui engagent tant de fantasmes, mais une analogie a priori avec un risque majeur de déception. Les années folles sont-elles si désirables que ça ? « D'abord, les années folles, c'est un terme nostalgique, inventé lorsqu'elles se terminaient à la fin des années 20 et que la crise financière et économique en provenance des États-Unis commençait à faire ses ravages en Europe occidentale, la crise de 29 et son chômage massif. On retrouve la même idée d'un âge d'or qui prend fin outre-Atlantique, au Royaume-Uni, en Allemagne, un âge d'or des années 20 avec ses extravagances, son effervescence culturelle, sa débauche flamboyante et une libération de l'ordre sexuel qui entretient avec passion la confusion des genres. Des hommes imberbes pour épouser la mode androgyne du moment, tandis que les femmes modernes coupaient leurs cheveux à la garçonne pour danser le Charleston. Enfin, certaines femmes, si la figure de la garçonne est emblématique de cette décennie échevelée, les années folles ne sont pas aussi folles pour tout le monde. Elles charrient leurs stéréotypes et avec eux l'idée d'un monde libéré agi par la fête et l'émancipation. Mais les années 20 sont aussi le moment du déploiement des ligues de vertu, avec la prohibition aux États-Unis et le renforcement des lois sur l'avortement et la contraception en France, où la dénatalité fait régner la terreur jusque dans les rangs féministes. Les années folles ne le sont pas forcément pour toutes et tous. Tout le monde ne se coupe pas les cheveux, ne se transporte pas à grande vitesse au volant des nouveaux bolides automobiles, n'a pas le téléphone à domicile et ne se permet pas les transgressions sociales et morales qui définissent une décennie qui inscrit pourtant le changement. Les sorties au cinéma et au cabaret, l'homosexualité sortie du placard, la sensation que le monde entier s'accorde à la paix et à une saine frivolité. Plus vite, plus fort et plus librement, l'ambivalence des années folles apparaît à travers les yeux de leurs contemporains. À côté des photos de Brassailles qui subliment la transformation des pratiques et des mœurs, Autodix peint le vieillissement précoce d'une société que la jouissance érigée en mode de vie absolu conduit à la misère et à la frustration. Les anciens combattants de la Grande Guerre rappellent chaque jour dans la rue le trauma que l'on fuit à toute vitesse pour oublier le chagrin du temps passé, faute de pouvoir le réparer. Comme la Belle Époque, inventée après sa fin en 1919, après la Première Guerre mondiale, les années folles sont baptisées au moment où elles s'achèvent. Si l'usage reste de nommer les périodes de l'histoire après leur fin, c'est une police d'assurance contre l'impasse de l'interprétation de ce qui nous arrive. Dire le temps de manière anticipée, c'est un pari risqué, même si l'on aimerait tant que les années qui nous attendent bénéficient des mêmes libertés que ces années si folles. Merci Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Dudès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Cette semaine, nous nous intéressons à notre langue, le français. Demain, quand les diplomates parlaient français, nous allons poursuivre notre exploration avec du patois, des dialectes et un petit tour au Québec. Des émissions à écouter, podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.